Pierre de Cassis. Fan de la fouine, c'était sûr que je le ferais. Volume 1. Yeah. Ce n'est que là où trop. Yeah. Sur cette terre de piano, on rêve du passé. Le problème, c'est que le futur n'est pas bien loin. On a tous un jour envie de s'évader. Sur cette terre de piano, j'oublie qui je suis et d'où je viens. Parfois, seule une note nous transportera. Yeah. Parfois, toute cette misère on oubliera. Yeah. Sur cette heure de piano, je me fais des illusions. Je sais la suite, mais vis quand même l'instant présent. Hey, c'est pas pour elle que j'irai en prison. De toute façon, je fais pas ça pour la réputation. J'arrive plus à suivre et glisser les doigts sur les notes. Emporte-moi dans le pays où je fais ma loi. On préfère toujours une version acoustique. Les rêves sont beaux, mais le réalisme frappe à coups de briques. D'un coup, je brille, laisse les étoiles décider. Pas besoin d'une grande carrière pour voir mon avenir se dessiner. Je suis résigné à une vie d'artiste. Mais depuis 2010, je suis en perpétuel choix. Pas de place pour l'hésiter. J'ai hésité à me lancer là-dedans. C'est pas facile, mais je garde la tête haute et les pieds devant. Yeah. Sur cette heure de piano, on rêve du passé. Le problème, c'est que le futur n'est pas bien loin. On a tous un jour envie de s'évader. Sur cette heure de piano, j'oublie qui je suis et d'où je viens. Parfois, seule une note nous transportera. Yeah. Parfois, toute cette misère on oubliera. Yeah. Et je rêve pas, j'espère. Je suis réaliste, pas expert. Je rêve de concert en extérieur. Sur cette heure de piano, je réplique à Joe Pantoliano. Joe Pantoliano. Toujours zen, jamais je stresse face à toutes ces choses qui font qu'un timide tremble. C'est un make space, définition DKSS. Et je vais m'arrêter là. Ce n'est que là où trop. Fan de la fouine, c'était sûr que je le ferais. Volume 1. Prochain mixtape. On va dire ça comme un prélude avant l'album. Ça s'intitulera De phase en phase B. Puis même, je peux vous dire que l'album s'appellera En mode présentation. Sur cette terre de piano, on rêve du passé. Le problème, c'est que le futur n'est pas bien loin. On a tous un jour envie de s'évader. Cette heure de piano, j'oublie qui je suis et d'où je viens. Parfois, seule une note nous transportera. Yeah. Parfois, toute cette misère on oubliera. Hey. Laisse tourner l'instru. Ok.